largue-moi, je t'en prie. J'ai une tâche à peindre sur ce panorama. La folie et le but à atteindre. Tu me désarçonnes. Tu me prends pour une conne. Quitte-moi, je t'en prie. L'envie est changeante selon les humeurs. La folie et la quête intrigante. Prise en délit flagrant. Pas besoin de prendre de gants. Renvoie-moi, je t'en prie. L'officier désastreux sur tout l'univers. La folie et pour les référentieux. L'aide humanitaire est bonne pour les sursitaires. Lâche-moi, je t'en prie. Réveillé brutal sous les projecteurs. La folie et l'égarement fatal. La fuite sur le champ rendra grâce aux survivants. Largue-moi, je t'en prie. J'ai une tâche à peindre sur panorama. La folie et le but à atteindre. Tu me désarçonnes. Tu me prends pour une conne. Tu me désarçonnes. Tu me prends pour une conne.